disait, quand j'étais tout petit, que le centre du monde, c'est un pont démoli. Où des anciennes vierges, mortes il y a 800 ans, éclairées par des cierges, dansaient toutes en rang. Que c'est une vieille ville, aux remparts un peu gris, et où chaque fontaine sèche un chagrin de pluie. Fernand me disait, quand j'étais encore sage, que le centre d'amour, c'est ce beau paysage où les cigales en pierre racontent avec l'accent les amours de Saint-Pierre du temps des fainéants. Que c'est une vieille ville au rempart un peu gris et où chaque fontaine sèche un chagrin de pluie. Fernand me disait, quand il était lui-même, que le centre du monde, c'est le pays qu'on aime. C'est la première fille qui s'est déshabillée, qui s'est montrée gentille, et puis s'est envolée, laissant vieille ville au rempart un peu gris et où chaque fontaine sèche un chagrin de pluie.